cuirs tannés de ma vieille cuirasse. Se dessinent déjà de sombres crevasses. Je monte tout droit vers le nord et la frontière. Ma douce, ma vieille guitare en bandoulière. J'écoute s'il pleut. Je me souviens de notre histoire. J'écoute s'il pleut, les pieds dans l'eau, près de l'usoir. Et puis je reprends mon chemin à travers champs. Les animaux m'accompagnent jusqu'à fait un lit de paille sous un vieil homme. Quelques oiseaux chantent pour que je m'endorme. Au matin, tout a changé, il y a du monde autour de moi. Les enfants font comme une ronde. J'écoute s'il pleut. Je me souviens de notre histoire. J'écoute s'il pleut, les pieds dans l'eau, près de l'usoir. Maintenant, je n'ai plus rien, je n'ai plus personne. Mais je suis bien, je suis léger, la route est bonne. Plus rien ne me pèse, plus rien ne m'encombre. Il y a du soleil, c'est drôle, mais je n'ai plus d'ombre. Mais je sens le doux parfum d'un nouveau printemps. Je revois en rêve celle que j'aimais tant et tant. J'écoute s'il pleut, je me souviens de notre histoire. J'écoute s'il pleut, les pieds dans l'eau, près de lui.